même si tu ressembles à Petrucciani. 80 ans, ça se complique, la vie est dure comme un coup de trick. Tu es aussi acteur porno. Allez, allez, les vieux au boulot, fallait penser à mourir plus tôt. T'affole pas ma petite mémé, ton beau voyage organisé, tu vas le faire encore bien. T'affole pas mon petit pépé, toi qui espérais jardiner, on va t'aider à creuser ton trou au cimetière. Allez, allez. Voilà, il est midi, donc je vais pas abuser sur le temps de parole de l'émission qui suit. Alors je vous souhaite comme d'habitude bonne bourre, bonne baise, éclatez-vous, la vie est courte, il n'y en a qu'une et Dieu n'existe pas. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour le cabaret des copains avec des artistes en direct jusque 13h cette fois-ci. Salut et bonne écoute sur les programmes de campus. Nous sommes le samedi 17 novembre et vous écoutez Radio Campus et son magazine du 3e samedi du mois Angle d'attaque sur 106,6 MHz. Angle d'attaque, le magazine de l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Eh bien aujourd'hui, au moment où vous préparez le repas ou que vous prenez l'apéro, nous allons parler de transactions financières qui ne risquent pas d'être taxées. C'est un peu tiré par les cheveux pour parler des monnaies locales qu'on appelle plutôt monnaie sociale et complémentaire. Autrement dit, des monnaies qui ne sont pas une émanation d'une banque centrale, mais des monnaies nées plutôt de la nécessité de poursuivre des échanges souvent vitaux entre des personnes localement proches qui vivent dans des situations de crise économique ou à tout le moins dans des conditions difficiles, comme nous allons le voir avec nos invités. René et Christian, vous avez deux invités. Oui, Antoine, nous avons deux invités. Nous avons Joachim Lebrun de l'APES, qui met en place des monnaies locales dans la métropole et dans la région du Nord. Alors l'APES, un mot quand même, signifie acteur pour une économie solidaire, dont l'objectif est de promouvoir l'économie sociale et solidaire dans le Nord-Pas-de-Calais. 130 adhésions, c'est une grosse association, et on va parler de la toute dernière, je ne vais pas dire création, il m'en voudrait, de l'APES, c'est-à-dire la monnaie à Boulogne. L'autre invité qui est à Paris, c'est Pierre Allary. Il est maître de conférence à Lille 1 et donc c'est donc un collègue de Florence Janicatrice que nous avons reçu il y a un mois. Pierre Allary est un spécialiste des monnaies et donc il va apporter un peu l'analyse dans cet échange entre nos deux invités. Je précise que le thème d'aujourd'hui fait partie d'une série d'émissions d'attaque sur l'économie sociale et solidaire qui a commencé en octobre avec Florence Janicatrice, professeur à Lille 1. Et qui se poursuivra jusqu'en juin, tous les troisièmes samedis du mois. Tout le programme d'ici juin n'est pas encore calé, mais nous travaillons pour vous le donner, ce programme, lors de notre prochaine rencontre, le 15 décembre, et d'abord sur notre blog, attaclille.over-blog.com. Revenons à nos monnaies. Nous avons soigneusement évité la confusion entre monnaie sociale et complémentaire et celle, système d'échange locaux, que nous aborderons le mois prochain. Peut-être qu'il faudrait vous expliquer sur ce choix, les amis. Après le thème de la monnaie, nous vous parlerons de nos lectures, ensuite de quoi je vous listerai les événements à ne pas manquer dans le mois qui vient pour clôturer cette heure. Cette émission a été enregistrée dans le studio de Radio Campus le 12 novembre et peut être écoutée et même enregistrée sur le site de Campus Lille, www.campuslille.com. D'abord, les actualités d'attaque, René Pardeau et Germain d'Aéroport, deux exemples de démocratie à la sauce social-démocrate. Alors, Germain, ce projet de Notre-Dame-des-Landes en nord de Nantes, il date depuis combien de temps ? Alors, c'est un projet en vogue depuis déjà une quarantaine d'années. C'est né à l'époque du Concorde. C'était censé devenir une piste d'accueil du Concorde pour des vols transatlantiques. Et la fin du Concorde, avec aussi l'augmentation du prix du kérosène, de l'essence, etc., les pics pétroliers, ça s'est transformé progressivement en un projet qui a plus vocation à devenir un aéroport international, mais pour des moyens longs courriers, en remplacement de l'aéroport déjà existant au sud de Nantes, qui lui tient ce rôle déjà depuis plus de 60 ans. Tu étais toi-même cet été à Nantes, c'est ton coin, tu me diras. Comment se passe la mobilisation? Qui sont les mobilisés? Est-ce que tu as les écolos locaux? Est-ce que Attac est présente? Alors, je ne représentais pas Attac, hein. Effectivement, c'était au début de l'été, en juillet. Il y a eu un forum international qui s'est tenu sur les lieux de Notre-Dame-des-Landes, à vocation symbolique. C'était l'accueil finalement de tous les projets internationaux, ce qu'on appelle les projets inutiles et imposés, qui avaient pour vocation donc de raviver les luttes et puis de partager des expériences, de mettre en commun les savoirs. Et donc, qui y participe? Eh bien, effectivement, la plupart des associations en font partie. Tu parlais des Verts, oui, il y a Europe Écologie Les Verts qui sont contre cet aéroport. Alors ça bat un peu de l'aile, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que du temps, c'est plutôt les élus locaux qui en parlaient. On sentait une forte mobilisation avec les groupes anti-aéroports. Mais depuis qu'ils sont au gouvernement, ben, j'ai l'impression que certains ne sont plus aussi vifs qu'avant. Oui, parce que ce projet, comment dirais-je, au départ, c'était l'équipe municipale de Nantes, dont le maire est maintenant Premier ministre. Donc ça ne doit pas être évident maintenant pour les écologistes. Ah, c'est le bébé de Marc Ayrault. Il a lancé ça, il était maire de Nantes, il était aussi président du conseil général. À cette époque-là, il ne savait pas qu'il allait y avoir des partenariats et des accords avec Europe Écologie Les Verts. Et oui, ça doit très certainement les mettre tous les deux, et le PS et Europe Écologie Les Verts. En porte-à-faux. En porte-à-faux, ouais. En tout cas, la lutte continue. J'ai vu qu'il y avait une manifestation bientôt. Suite à des expulsions qui ont eu lieu il y a 3 semaines, des expulsions juste avant la trêve hivernale, il y a préaccaparement des lieux, c'est-à-dire que les squatteurs de ces dernières années, plus des mobilisés de toute la France, entre autres de Lille, se dépêchent et se dépêcheront le plus souvent possible sur les lieux pour reprendre tous les lieux d'expulsion où la police est intervenue en très grand nombre ces dernières semaines. Ok. Et l'actualité d'Attac, René, alors? Oui. Et c'est tout d'abord l'opposition au budget de la Défense 2013. Attac, en association avec le Mouvement pour la Paix, demande aux parlementaires appelés à voter le projet de loi de finances 2013 de voter contre le budget défense, qui représente 2% du PIB, qui est supérieur à la moyenne européenne, alors que le gouvernement instaure la rigueur budgétaire. Sur le rapport Gallois et le pacte de compétitivité, en collaboration avec la Fondation Copernic, Attac a réalisé une analyse critique de la mise en place de ce pacte, sous la forme d'un document d'une 20aine de pages, dont Christian vous parlera tout à l'heure. Et il se passe quoi à la Lille Métropole Communauté Urbaine? Voilà, eh bien, il y a du nouveau. Comme vous le savez, nous avions constaté que les deux premiers ateliers LMCU du 21 septembre et du 19 octobre n'avaient rien de véritable débat citoyen et démocratique. Le collectif a réagi par une série d'actions, et notamment la proposition d'inviter Gabriel Amar, président de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, pour le troisième atelier de LMCU prévu le vendredi 23 novembre. Ceci appuyé par des communiqués de presse et un rassemblement devant le siège de LMCU qui a eu lieu le vendredi 9 novembre de 13h à 14h, justement le jour de réunion du conseil de communauté. Ok, donc... Gabriel Amar, tu as parlé de Gabriel Amar, qui est-il au fait? Gabriel Amar est à l'origine du retour en régie publique de la distribution d'eau des communes de Viry-Châtillon et de Grigny, dans l'Essonne. Il a d'ailleurs écrit un livre montrant qu'un retour en régie publique est parfaitement possible. Sa présence permettrait un vrai débat. Alors, je me suis laissé dire qu'il y avait du monde à cette manif, au fait. Exactement. Le rassemblement a réuni plus d'une centaine de personnes, avec présence de la presse, bien sûr, et plusieurs élus communautaires, notamment ceux du PCF, sont venus au micro confirmer leur prise de position en faveur d'un retour en régie publique. Et Alain Cachelut, le vice-président de Lille Métropole Communauté Urbaine, est venu également au micro confirmer que la proposition d'inviter Gabriel Amar était retenue. Et aussi qu'aucun choix concernant le mode de gestion de l'eau n'était actuellement arrêté. Voilà une nouvelle qui est bonne. Ça peut paraître rassurant, mais il faut rester vigilant. Et Alain Cacheux n'a également pas dit non à la proposition du collectif de venir participer à la réunion publique prévue le 18 décembre. Mais il faudra qu'il consulte son agenda. Bien sûr, bien sûr. D'accord, alors le 18 décembre, c'est quoi ? Alors, le mardi 18 décembre, le collectif organise une réunion publique, qu'il a d'ailleurs appelée un peu ironiquement le 4e atelier, ceci à la MEP, Maison de l'éducation permanente, 1 place Georges Lyon à Lille, avec pour intervenant Jean-Luc Touly, qui est déjà bien connu sur le thème d'eau, et de nouveau Gabriel Amar et peut-être alors Alain Cacheux. Je n'ai pas confirmation de l'heure, mais ce sera vraisemblablement autour de 18h30. Ok, donc d'autres infos là-dessus ? Il y a encore du monde dans ce collectif ? Récemment, la coordination communiste a rejoint le collectif. Celui-ci rassemble désormais 23 organisations. Et LMCU... Cette information est un peu plus ancienne, mais LMC a saisi le Conseil de développement sur la question de l'eau. Alors, qu'est-ce que le Conseil de développement ? C'est un lieu de débat et d'expression citoyenne qui remplit une mission consultative auprès des élus. À Lille, il a été mis en place en 2002. La MRES faisant partie de ce conseil, le collectif peut espérer que le Conseil de développement se prononcera en faveur de la régie publique. Et enfin... Encore une information, si vous voulez en savoir plus sur la gestion des troubles, ah, c'est le cas de le dire. Ce que j'appelle, oui, en métropole lilloise, il est possible de visionner une vidéo de la séance du Conseil communautaire de décembre 2007. Retenez bien cette date, où est présenté un audit concernant les pratiques des eaux du Nord Suez. C'est édifiant. Pour cela, il faut se rendre sur le site de la métropole et les indications seront disponibles sur notre site, le site de CLIL, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoute, merci René, merci Christian pour toutes ces informations qui sont très importantes. On va faire une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Et on écoute la rumeur, le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses. Même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar, c'est quelques brèves de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poils l'angle d'un de ces vieux trottoirs où l'information au noir tristement célèbre notre organisation. Ma voix traîne dans des affaires louches. Si la plus vieille machine à désinformer du monde sortait de ma grande bouche, j'aurais des milliards en banque d'encombrantes fiches sur ces hommes de pouvoir dissimulés dans une bonne planque. Les juges sauront que je gruge comme eux avec un âne pâté de baveux, histoire de soudoyer la partie civile au nez à la barbe de ce sénile procureur, lequel implore mon pardon devant ses fans en pleurs. Putain, le verdict est sans appel, aucune preuve. J'investirai avec la thune de ce procès dans des voitures neuves. À la terrasse de chez Edgar, c'est amusant de voir comment l'école blanc baisse du regard. Albert, dépêche-toi, comme d'hab. Sers-moi deux verres de la pisse d'âne que tu sers à tous ces crevards qui sont à ton rat. Tout de suite, chef, nous vivons une époque où la fringale du pouvoir défie la faim et la soif, titre le quotidien de la veille. Que je décortique sous l'œil éclairé de mon acolyte d'après ses sombres conseils. Bref, la fausse mornif ne rapporte plus, de toute façon qui l'eût cru. Quelques banquiers onéreux aujourd'hui en cabane, loin des parterres fleuris et généreux du boulevard Haussmann. En toute modestie, je fus cette ombre de la rue que chantait Edith Piaf. J'en suis revenu étrangement, les mains pleines de balafres en souvenir de ces années folles. À trop gratter le plancher avant de ramasser le pactole. D'une activité clandestine, nos rumeurs et spéculations nous ont conduit à la tête d'une formidable mine d'informations occultes et malhonnêtes. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard, même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar. C'est quelques brèves de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les trous à l'angle d'un de ces vieux trottoirs où l'information au noir tristement célèbre notre organisation. Classez-nous dans la pègre, chez les gros vendeurs de salades sans vinaigre, là où les ex-mecs ont pris du poids. Tu vois petit, comment nos pages des Cathy les ont fait plonger, et qu'il ne reste même pas un os à ronger. Maths c'est politique, sorti de tôle, rire jaune à mon passage. Et dans la pire faune, c'était la seule espèce à foutre en cage. Les rois du braconnage refourquent toujours, seuls les vrais sont restés pour assasier cette dalle de vautour. Et comme y avait pas grand chose dans la timbale, j'en ai vu tuer pour 25 balles. Et puis après, c'était les perdreaux qui rappiquaient sur un air de cymbale. Ils sifflaient la Marseillaise en décortiquant ton sobriquet. Ceux qui ont su se projeter plus loin que demain dans l'avenir t'avertissent du danger sur les coups à venir et te disent qu'il y a pas pire que ce qu'ils détiennent dans leur stock. Aucun rapport avec le toc refourgué par des délais doigts de fée. Ex-contrebandier d'alcool et de clopes, ce con toujours à changer de piole de peur qu'on le chope. Et puis ils comprennent pas comment on les tient par le collet. Politicard poulet, j'ai toutes les armes que tu voulais. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. Même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar. On croit, c'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poids lents. Le teint de ces vieux trottoirs où l'information au noir plus tristement célèbre notre organisation. Christian René, pour introduire le thème du jour. Oui, je vais m'y coller. On va parler de monnaie locale. Et ce qu'on peut dire peut-être en introduction, une caractéristique commune, semble-t-il, à toute activité de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on a vu il y a un mois avec Florence Janicatrice, c'est qu'elle se crée sur un fond de crise économique profonde. C'est encore plus vrai pour la création de monnaies complémentaires. En fait, les monnaies locales, me semble-t-il, ont été créées bien avant que l'expression économie sociale et solidaire existe. Et il serait intéressant de savoir pourquoi elles intègrent l'expression d'ailleurs. Les exemples de monnaies issues de la crise sont significatifs. Crise en Autriche, crise en Allemagne, crise en Argentine. On revient sur le Kenya également, plus récemment. Et puis ces monnaies disparaissent peu à peu au profit des monnaies nationales, tout simplement. Donc, on va commencer peut-être par Pierre Allary, qui va nous faire un peu d'analyse sur ces monnaies locales ou ces monnaies sociales et complémentaires, comme on dit. Et Joachim Lebrun prendra ensuite le micro pour expliquer ce qu'il est monté, notamment dans le Boulonnais. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir Pierre. Par rapport à ce que vous disiez, déjà, premièrement, le mot local me pose quelque part un problème, dans le sens où local, c'est toujours relatif à quelque chose. Donc moi, je ne sais pas si le mot « monnaie locale » est réellement le terme adapté. Je pense qu'il faudrait peut-être plus raisonner avec un terme comme « monnaie alternative » à une monnaie d'État. Parce que dans les logiques ou dans les dynamiques de monnaie alternative, donc, alors après, on peut discuter sur tous les termes, ce n'est pas l'objectif là aussi, mais je pense que le terme de monnaie alternative est relativement bon dans la mesure où c'est des monnaies qui viennent en alternative aux monnaies d'État, ce que vous appeliez les monnaies nationales. Oui, alors monnaie sociale et complémentaire, ça ne va pas non plus. Bonne sociale, on voit mieux, mais complémentaire par rapport à quoi ? Oh, par rapport à la monnaie nationale. Par rapport aux monnaies d'État, oui, dans certains cas. Mais si vous voulez, les monnaies telles les monnaies alternatives, ou les monnaies complémentaires ou sociales, enfin on les appelle comme on veut, mais si vous voulez, en général, elles traduisent deux formes de phénomènes. Soit, idéologiquement, on n'est pas d'accord avec tout l'espace de socialisation dans lequel circule la monnaie d'État et on essaie de recréer notre espace de socialisation, et la monnaie est un élément nécessaire à cette à la recréation de cet espace de socialisation, ou alors on est exclu pour des raisons de pauvreté par exemple de cet espace de socialisation et alors on crée une monnaie pour arriver à resocialiser dans un nouvel espace où on n'est pas pour recréer du lien social. Donc ça correspond à deux logiques, si vous voulez, je pense. Et je pense que dans cette analyse des monnaies alternatives, donc, pour les définir, moi je pense que le terme, on peut définir la monnaie ainsi. La monnaie est un médium de reproduction sociale, dans le sens où elle va permettre à une société ou à une organisation sociale de fonctionner en tant que telle. Et chaque mode d'organisation sociale va avoir une monnaie singulière ou une monnaie particulière qui va permettre à cette organisation d'être validée, d'être pérenne. Donc. Et donc ça prend sens quand on voit que des personnes, pour des raisons X ou Y, n'ont plus accès à la zone euro parce qu'ils perdent le travail. Au début, ils ont encore ces personnes-là ont encore des ressources monétaires parce qu'ils vont avoir des allocations chômage ou autres. Mais le jour où il n'y a plus l'euro ou l'allocation monétaire euro, là, ils se retrouvent sans ressources et à partir de là, ils sont exclus de l'espace de socialisation euro puisqu'ils n'ont plus accès à l'euro. Oui. Et ils vont peut-être exprimer leur talent ou leur savoir-faire ou leur énergie dans un nouvel espace de socialisation qui va être cet espace de monnaie alternative. Oui, alors ça veut dire il y a une spontanéité là, de création de monnaie alternative. Spontanéité dans quel sens ? Tu viens de dire effectivement la situation des gens qui se sont appauvris, bon, une paupérisation qui les exclut de l'euro. Comment font-ils ? Qu'est-ce qui décide de créer cette monnaie ? Eh bien, les raisons, enfin, c'est multiple. Chaque type de monnaie va avoir des raisons propres et va avoir une dynamique assez individuelle. Donc je ne sais pas si on peut généraliser sur une logique propre qui expliquerait pour toutes les monnaies l'émergence de ces dernières. Dans le cadre par exemple de l'Argentine, il y a eu beaucoup de monnaies alternatives qui ont été créées parce que les gens n'avaient plus accès à la monnaie nationale, à la monnaie d'État. Et à partir de là, comme ils avaient quand même une force, ils avaient une forme d'énergie, ils avaient la capacité de créer une richesse, ils ont créé un espace dans lequel la richesse qu'ils pouvaient créer était valorisée avec une nouvelle monnaie. Ça pourrait être aussi des raisons idéologiques. Certaines personnes assimilent, par exemple, je prends un exemple, vont assimiler l'espace euro, l'espace de socialisation euro, à un espace néolibéral avec un capitalisme assez vorace, pour ne pas dire très vorace, et parce qu'idéologiquement ils ne sont pas d'accord avec ce système, avec ce mode de socialisation, ils vont recréer un nouveau mode de socialisation et la monnaie alternative va permettre à ce mode de socialisation de fonctionner. Alors, donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un mode, il y a une logique endogène ou une logique interne qui expliquerait toutes les émergences. Oui, je l'entends bien ça. C'est beaucoup plus pluriel. Oui, je l'entends bien. C'est ce que je voulais te faire dire, en fait. Hein, c'est effectivement, il n'y a pas de spontanéité. Le mot était très mal choisi. Mais il y a des formes. Donc, ça veut dire que les formes de monnaie locale sont multiformes, en fait. Mais je pense, oui, eh bien, elles correspondent à l'espace de socialisation qui va être créé. Alors, d'accord. Si on veut créer un espace de socialisation où la solidarité est importante, où les liens entre personnes sont importants, où la thésaurisation est méjugée, etc., etc., on va créer une monnaie, par exemple, qui ne pourra pas être thésaurisée. D'accord, oui. On va, voilà. Par exemple, on voudrait créer un autre espace de socialisation avec de toutes autres valeurs, on créerait une monnaie qui porte ces valeurs ou qui permette l'expression de ces valeurs. Et sur la durabilité de ces monnaies, alors, l'espace de socialisation est durable ? On ne peut pas dire, voilà, c'est comme ça ou comme ça. C'est très variable. Dans le cadre de l'Argentine, les personnes qui étaient très bien dans l'espace monnaie d'État antérieur à la crise, qui se trouvaient très bien socialisées ainsi, qui étaient d'accord avec le système, qui ont été exclus pour des raisons économiques, et donc ils n'ont plus accès à cette monnaie d'État, donc ont créé des monnaies alternatives pour arriver à trouver une solution momentanée. Et dès lors qu'ils ont repris pied dans l'espace monnaie d'État, ils sont revenus dans l'espace monnaie d'État. Oui, donc ce n'était pas pérenne, ça traduisait un moment de crise. Si c'est pour des raisons idéologiques, là ça peut être beaucoup plus pérenne. D'accord. Tant que l'idéologie tiendra, ça tiendra. Oui, c'est ce que je disais un peu en introduction. Effectivement, dans la période d'accalmie, de crise, il y a effectivement... on laisse la place à la monnaie nationale. René, pose une question. Justement, mais même en dehors des périodes de crise aiguë, est-ce qu'il n'y a pas des raisons simplement économiques pour la création de monnaie locale complémentaire, notamment quand une petite région, enfin un espace local, voit son savoir-faire, sa petite industrie disparaître sous l'effet de la mondialisation? Je pense par exemple au Chiemgauer de Bavière. C'est un peu dans ce but-là qu'en Bavière, on a créé cette monnaie. Si vous voulez, ça correspond à une situation particulière, et c'est parce que des personnes s'estimaient désocialisées par rapport à l'espace entre guillemets mondial qu'ils ont recréé cette monnaie. D'accord. Mais ce n'est pas. On peut le traduire peut-être comme une crise, ou alors comme idéologiquement un désir de s'extraire de l'espace entre guillemets mondialisé. Une question de Germain. Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est forcément des personnes, des individus consommateurs qui déclenchent comme ça le besoin de la création d'une monnaie complémentaire, ou est-ce que ça peut aussi venir du tissu économique par les PME, les TPE, etc. Enfin, voilà. Quelle est en général la source de la création? Parce que j'ai en tête, j'ai vu un projet se monter sur Nantes d'un sondage qui touche la plupart des petits commerces dans un quartier. Enfin, j'ai pas vu trop à quelle échelle c'était, mais en tout cas, il y a un sondage concernant la création possible d'une monnaie alternative et complémentaire sur Nantes. Oui, mais à travers votre question, opposez-vous ou opposes-tu le producteur et le consommateur? Parce que j'ai cru comprendre cela dans la question, non? Oui, c'est peut-être ma vision, alors c'est peut-être personnel, c'est peut-être faux. Un système de production ou de consommation, l'un ne marche pas sans l'autre. Oui. On ne peut pas concevoir un système de consommateur ou un système de producteur, parce que c'est un système qui fait que parce qu'il y a les uns, les autres existent. Oui, en même temps, le VIR en Allemagne est quand même un système inter-entreprise. Oui, mais les entreprises échangent entre elles. Oui, elles sont consommateurs. Il y a une entreprise qui va consommer des consommations intermédiaires et l'autre qui va les transformer pour produire autre chose. Mmh. Et voilà. Mais ces entreprises, parfois, ont des problèmes. Et je pense, si mes souvenirs, parce que je ne connais pas très bien cet exemple, mais si mes souvenirs sont bons, ce sont les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. Oui. Qui s'inscrivent dans ce cadre de nouvelles monnaies pour s'échanger sous un autre mode les marchandises dont ils ont besoin pour produire un nouveau produit, donc les consommations intermédiaires. Et donc, ces entreprises s'inscrivent là-dedans parce qu'elles ont un problème de trésorerie, souvent. Oui. C'est un problème de crise, enfin de crise, un problème de fonctionnement. Juste une petite intervention sur le VIR quand même. Aujourd'hui, il y a une TPE sur 5 qui utilise le VIR en Suisse, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'effectivement, le système de départ était destiné aux entreprises qui avaient des difficultés financières. Aujourd'hui, ce sont une TPE sur 5 et ces TPE n'ont qu'une volonté, c'est de continuer dans le VIR, même une fois qu'elles se sont suffisamment développées. Ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi ? Parce que le VIR arrive aussi, et ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre sur le dos de la monnaie complémentaire, arrive à s'aimer une certaine pédagogie, et notamment le durable. Quand on parle de prêt en VIR, on parle de prêt durable. Alors effectivement, le taux est très bas, 1,75% de taux, alors qu'en classique, on est entre 5 et 7. Par contre, l'investissement qui doit être fait grâce à ce prêt est forcément dans le durable. Et ça, c'est intéressant de le souligner. Oui. Votre réflexion est intéressante dans le sens où vous parlez d'un côté c'est 1,5 et de l'autre côté c'est 6 ou 7. Alors je ne sais pas exactement si c'est 6 ou 7 ou dans quelle mesure ça peut être 6 ou 7, mais en dehors de tout problème d'idéologie, de voir les choses durables ou pas, pour une entreprise qui va essayer de faire des profits, rien que cette différence déjà peut être un élément incitateur fort. En dehors de toute idéologie, de durabilité ou autre, vous voyez. En effet, mais je crois que ce qui est intéressant, ce que souligne Joachim, c'est le caractère décisivement durable, si je peux dire, décidément durable. Qui se pérennise. Oui, qui se pérennise. Le système se pérennise, oui. Oui. Mais je pense que de toute façon, dans la mesure où des taux seront si bas, pour une entreprise, même si elle n'a pas une adhésion idéologique au système, elle peut être intéressée par le système. Oui. Parce que si elle a un problème de trésorerie, elle se dit d'un côté, on va me prêter à des taux beaucoup plus importants que de l'autre. Donc, par choix, par désir de prix, je peux choisir ça aussi. Bien entendu. Ouais. Bien entendu. Mais je pense que c'est... Enfin, je ne pense pas que ce soit ce qui est le... qui soit le plus intéressant dans ces monnaies alternatives. Je pense que le phénomène qui est intéressant et qui est traduit par ces créations de monnaie, c'est vraiment la recherche de construire ou la construction de nouvel espace de socialisation. Que ce soit pour des raisons de crise, que ce soit pour des raisons idéologiques, mais il y a cette recherche. Oui, alors tu exprimes ça comme un besoin ? Ah ben oui, je pense, oui. En Argentine, les personnes qui n'avaient plus de ressources, plus d'emploi, c'était vraiment un besoin de continuer, parce que on est dans, dans des sociétés où il y a une très forte division sociale du travail. Monsieur X ou Madame Y ne produisent qu'un seul produit en général. Donc dès lors, ils seront obligés de se positionner sur les marchés, dans nos sociétés contemporaines, pour avoir les ressources nécessaires à leur survie. Donc on ne peut pas échapper aux échanges de transactions de biens. Oui. C'est impossible. Mais dès lors qu'on est coupé de ressources monétaires d'un côté, eh bien, il faut qu'on trouve une moyen alternatif pour se procurer au moins la nourriture. Et un cas extrême de crise, je ne sais pas si c'est extrême, mais un cas de crise comme l'Argentine le traduit bien. Oui, c'est-à-dire que du coup, tu objectives la socialisation par la nécessité d'échange. Ah ben oui, mais je pense que dans nos sociétés contemporaines où la division sociale du travail est forte, c'est-à-dire les acteurs, les agents produisent un seul type de produit, en général très spécialisé, eh bien l'échange est indispensable. La transaction de marchandises est indispensable et nécessaire à la survie. C'est impossible d'échapper. Ou alors il faut revenir à des systèmes autarciques où on devient un paysan, où on essaie de produire un peu tout ce dont on a besoin. Les sociétés telles qu'elles sont décrites par beaucoup d'anthropologues comme Salins, Moss ou autres. Mais c'est très différent. Non, on n'est pas dans cette configuration aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça, effectivement. Et donc on ne peut pas échapper. Échanger des marchandises aujourd'hui, on ne peut pas échapper. Après, il peut y avoir des degrés et des modalités sur lesquelles on échange. Ça peut être planifié, comme dans les systèmes de l'Est avant 89. Ça peut être basé sur la concurrence, comme dans les systèmes néolibéraux. Mais ça ne change rien. Enfin, si, ça change beaucoup. Mais le problème, l'échange de marchandises ou de biens de subsistance, tout au moins, si on peut les réduire à ça, de biens de subsistance est nécessaire. Ok, on va peut-être écouter Joachim qui va nous parler d'un exemple. Et bien sûr, Pierre, tu interviens quand tu veux. Oui, alors moi je vais vous parler de la monnaie sol. La monnaie sol qui a vu le jour il y a maintenant 7 ans. C'était un projet qui a été proposé à une échelle européenne, qui était un projet super intéressant de monnaie complémentaire. L'idée était de se dire, on a parlé des systèmes d'échange locaux tout à l'heure, l'idée était de réunir en une seule monnaie complémentaire trois systèmes. Le premier système était de se dire de l'échange, ce qu'on appelle le sol éco, de l'échange économique, donc de l'échange marchand. Le deuxième était aussi de valoriser de l'échange non marchand, ce qu'on appelait le sol temps. Et le troisième était de valoriser ce qu'on appelait le sol affecté. Le sol affecté, c'est quoi ? C'est une collectivité qui veut augmenter le pouvoir d'achat pour les personnes en grande situation de précarité financière. Elle pouvait le faire à partir de la monnaie complémentaire. Donc ça, c'est le projet de départ. Le projet de départ était englobé dans un outil. L'outil est très important, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant. Cet outil de départ était une carte à puce. Et il y avait une échelle qui était une échelle française, donc à l'échelle de la France, sur différentes régions, on a essayé d'expérimenter cette monnaie complémentaire. Aujourd'hui, 7 ans après, voici le résultat. On n'est plus sur une monnaie en termes d'outils de carte à puce, mais bien sur une monnaie d'échange, avec aujourd'hui des monnaies papier partout sur l'ensemble du sol, et des réussites. Des réussites avec ce système-là. À Toulouse, par exemple, on est aujourd'hui à plus de 70 prestataires qui utilisent la monnaie complémentaire, avec plus de 400 citoyens solistes qui utilisent également cette monnaie complémentaire. Donc on voit bien que ça fonctionne. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que les territoires qui ont commencé avec cette carte à puce, finalement, ça ne fonctionne pas. Lille, par exemple, on pourrait se dire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est un côté humain ? Est-ce que c'est typiquement l'agglomération lilloise que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est la densité ? Est-ce que c'est la population ? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Quand on regarde bien, on s'aperçoit que typiquement, on est sur une monnaie, sur un système éducatif apprenant. Quand je dis apprenant, pourquoi ? Chaque système de monnaie complémentaire sol s'est inspiré de son voisin, de celui qui existait déjà, pour essayer de l'améliorer et le mettre en place sur son territoire. Le système lillois est le territoire le premier qui avait été mis en place et du coup qui a beaucoup de lacunes aujourd'hui. Il a permis à d'autres systèmes sol aujourd'hui en place d'être beaucoup plus performants. Le dernier qui se met en place est le système sol à Boulogne, qui est le tout dernier sur cette panoplie de systèmes de monnaie complémentaire sol. Je vais vous en dire deux mots, un peu l'historique. L'année dernière, au mois de l'ESS, le mois de l'économie sociale et solidaire à Boulogne, dans le Boulonnais, Frédéric Huvillier, qui était le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, a lancé comme ça un message en écoutant la radio. Il avait entendu parler de monnaie complémentaire et il a lancé un message en disant « J'apprécierais que sur mon territoire, donc sur le Boulonnais, qu'on puisse mettre en place une monnaie complémentaire avec les citoyens ». À partir de ce moment-là, on a été contacté, donc l'APES a été contacté. L'APES qui avait justement cette expérience de monnaie complémentaire sur l'île depuis maintenant 7 ans, pour accompagner ce système à la mise en place jusqu'au lancement. Nous, on est intervenus et on a travaillé avec un groupe. Quand je dis un groupe, pour nous, c'est vachement important de lier la monnaie complémentaire à la citoyenneté. Donc c'est une monnaie complémentaire, citoyenne, circulante. L'idée est de se dire qu'on construit un système de monnaie complémentaire pour ensuite permettre la réappropriation citoyenne de la monnaie. Ça, c'est super important. Donc on a réuni dans ce groupe de travail des citoyens, le crédit municipal qui a un rôle important, j'en parlerai tout à l'heure, des commerçants, des acteurs sociaux, donc les CCAS, les centres sociaux, etc. etc. Des partenaires importants comme la Massif, le crédit municipal, j'en ai déjà parlé, la Caisse des dépôts et des consignations, enfin des gros partenaires. On essaie de travailler ensemble à ce que nous on voulait en termes d'objectifs. Donc on le disait tout à l'heure, chaque monnaie complémentaire répond à ses propres objectifs, qui sont généralement des enjeux colossaux. L'idée là était de se dire comment on peut permettre sur le territoire du Boulonnais un développement local. Un développement local en termes de consommation. Donc on a ciblé quatre filières principales de consommation qui étaient l'alimentation, le transport, le loisir et la culture et les services de proximité. À partir de là, on a essayé de cibler d'avoir une cible. La cible, l'idée c'était de ne pas en faire une monnaie de bobo, comme souvent on l'entend, la monnaie complémentaire c'est pour les bobos. Là l'idée était de se dire, on réunit autant les plus petites bourses que les plus grosses autour de cette même monnaie. On est vraiment sur un outil de mixité et pas un outil qui sélectionne. La question des prestataires, pareil. Quel prestataire on va choisir quelque part? On est bien sur l'idée d'une monnaie complémentaire respectueuse de l'homme et de l'environnement. On a travaillé avec ce groupe de citoyens, donc des parents, des responsables de centres sociaux, des gens du CCS, pour qui ce n'était pas forcément la pratique. On a essayé de travailler tous ensemble à une grille de critères qui nous permet aujourd'hui de sélectionner les prestataires en fonction de critères. Quand je dis sélectionner, ce n'est pas quelque chose où on prend ou on jette. C'est-à-dire qu'on peut positionner un prestataire en fonction de comment il est respectueux de l'homme et de l'environnement. Et ensuite, il y a des niveaux. Tout prestataire peut aujourd'hui, tout commerçant peut aujourd'hui demander d'entrer dans le sol à Boulogne et obtenir ou pas tout de suite son agrément. C'est-à-dire qu'on lui propose une démarche d'accompagnement pour s'améliorer dans sa pratique et pas être dans une notion de jugement où tout simplement il n'a pas son agrément. Donc ça c'est vachement important. Ensuite la question du billet, donc je parlais de l'outil. Pourquoi un billet et pas une carte à puce? Parce que pour nous le billet est un outil d'éducation populaire. C'est un outil d'éducation populaire et c'est un outil qui peut nous permettre de passer un message. Aujourd'hui, on est dans une économie qui est particulièrement irréelle. On est à 97% de l'ensemble de la masse dans une économie irréelle. L'idée était de se dire de pouvoir augmenter sur le territoire l'économie réelle avec ce billet-là. Ce billet-là, on l'a travaillé tous ensemble avec les citoyens. On a fait une sollicitation auprès des citoyens sur le nom. On a eu 98 réponses de la part de citoyens qui nous ont proposé différents noms et qui nous ont aussi dit que le projet les intéressait et ils nous souhaitaient bon courage. Pareil sur le motif, le fond du billet, contrairement au billet européen, sur ce billet-là, le billet boulonnais, on peut se repérer. C'est-à-dire que les citoyens, quand ils le regardent, ils savent tout de suite de quoi on parle. C'est leur billet à eux, c'est le billet du boulonnais. Là, on est en train de faire effectivement différentes propositions et le 16 novembre, au moment du pré-lancement de la monnaie complémentaire sur le Boulonnais, ce sont les citoyens du territoire qui vont sélectionner les billets, c'est-à-dire les visuels, qui vont utiliser eux après tout au long de l'année. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de billets, on n'est pas sur un monopoly, on est aussi sur un véritable échange, c'est-à-dire qu'il y a de la sécurisation derrière. on met ce qu'on appelle des scellés à bulles, ce qu'on appelle scellés à bulles avec une technologie proof tag, l'idée étant de se dire que ce scellé, il n'est pas recopiable. Du coup, on est sur une monnaie qui est sécurisée, avec un objectif de circulation. Je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui dans une économie irréelle, et le taux de circulation d'un billet euro est de 2,3 tours de rotation dans l'année. Là, l'idée avec cette monnaie complémentaire est d'atteindre les 6 tours en une seule année. C'est-à-dire que ça passe demain 6 fois dans l'année avec ce système de monnaie complémentaire. Donc c'est un objectif qui est hyper important, mais on s'en donne les moyens. Quand je dis on s'en donne les moyens, on met en place derrière un système éducatif. Quand je dis un système éducatif, c'est une véritable pédagogie. Ce système de monnaie complémentaire, il permet de faire des échanges. Donc on l'a bien dit, nous on vise plus d'une centaine d'utilisateurs dès la première année qui vont pouvoir acheter des biens et des services sur le territoire boulonnais et du coup développer l'économie locale. Mais notre intérêt, il est double. Effectivement, de permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes, c'est-à-dire qu'en échange de 20 euros, ils vont pouvoir avoir 21 sols. Et aussi, on va travailler avec eux sur l'importance, sur leur rôle à eux, dans le système monétaire. Et ça, c'est vachement important. On va travailler avec eux en faisant des débats, en intervenant dans les collèges. On va faire de la pédagogie. Une réaction, Pierre ? Oui, bien, je trouve que dans l'intervention, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que, qu'elle soit alternative ou non alternative, ou d'État, c'est avant tout un projet politique. Oui. On a avant tout un projet politique, un désir de société, une image de société, et on essaie à travers cette monnaie de réaliser cette forme d'idéal, entre guillemets. Et là, on le voit bien, notamment à travers la symbolique du billet. Oui. Le billet revient, c'est les gens qui le choisissent, c'est les acteurs locaux qui le choisissent, ça va véhiculer toute une image qui traduit ce projet. Et il serait intéressant de voir le billet ou de le commenter ici, et je pense que tous les symboles, tout ce qui a été décrit dans la présentation se retrouverait sur le billet plus ou moins de façon iconographique. Donc ça c'est un élément intéressant. Ensuite, on voit bien que dans ce projet politique, un mois, il nous a été présenté, donc il y a trois types de sols, et notamment le sol temps. Alors, je ne sais pas exactement comment ce qu'on appelle le temps, mais si je me réfère à d'autres expériences de monnaie alternative, on voit parfois que pour certaines monnaies, une heure de travail vaut X unités, mettons une unité monétaire. De monnaie alternative. Et quelle que soit la nature du travail, que ce soit une heure de leçon de piano, une heure d'entretien du jardin, une heure de leçon aux enfants, une heure d'aide à une personne âgée, etc., etc., quelle que soit l'activité, une heure de travail est égale à une unité monétaire et chaque heure de travail est équivalente. Et bien derrière cette notion, on voit bien un fort projet politique. On veut se décaler du mode d'organisation qui domine dans notre société néolibérale, où la concurrence est un élément organisationnel fort, où ceux qui sont en situation de force ont relativement une capacité d'achat ou un droit sur la société plus important que les autres. Et là, on voit dans notre société néolibérale, et à travers ces formes de monnaie alternative où l'unité de temps est la même, quelle que soit l'activité, l'unité monétaire sera équivalente à une unité de temps, quelle que soit l'activité, on voit bien que le projet politique est très fort derrière cet élément. En effet, et puis la participation des politiques eux-mêmes. Dans la Rhône-Alpes, c'est exactement pas la même chose dans la région Rhône-Alpes. On n'a plus que 2 minutes, une réaction. Oui, je voulais juste insister sur l'aspect démocratique. Là, par exemple, sur Boulogne, on est bien sur la construction d'une association qui va gérer cette monnaie complémentaire sur le territoire. Et c'est pas une association sur laquelle on a un président, un trésorier un secrétaire, mais aussi d'autres administrateurs qui vont donner de temps en temps leur avis. On est bien sur l'idée de trouver un fonctionnement où chacun est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on a différents collèges et dans lesquels on est sur un fonctionnement de une personne égale une voix. 3 collèges, c'est un collège de citoyens solistes, donc les familles qui vont utiliser cet outil d'échange. Un deuxième collège qui sont les prestataires, donc les commerçants, services de proximité qui vont recevoir cette monnaie complémentaire. Et un troisième collège qui sont les acteurs locaux. Dans les acteurs locaux, on met le CCAS, le Crédit Municipal et tous les acteurs sociaux qui vont travailler sur cette monnaie-là. Au sein de chaque collège, toutes les décisions vont être prises de la manière suivante. Tout le monde s'exprime, on est d'abord au consensus, ensuite on est au consentement, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'à partir où quelqu'un n'est pas d'accord, on va travailler avec cette personne-là et avec l'ensemble du groupe pour se mettre finalement d'accord. Et si vraiment on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est sur 2/3 des voix. Et pour une décision collégiale, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de l'association, on est bien un regroupement de l'ensemble des collèges pour essayer de trouver une solution au consensus. C'est-à-dire qu'on est bien sur la confrontation des idées pour essayer tous ensemble de trouver la meilleure des solutions qui convient vraiment à tout le monde. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on va retrouver autour de cette table des personnes qui sont tout en haut d'un HLM, des personnes qui sont chefs d'entreprise. Et on est vraiment sur l'idée que chacun a le même pouvoir de vote et on se retrouve tous ensemble pour discuter autour de la table. Et ça, c'est aussi un véritable réapprentissage sur le territoire. Je crois effectivement que la démocratie est au cœur de projets. Eh bien, il a manifestement de quoi faire. Les monnaies ont un avenir. Merci à nos intervenants, Pierre et Joachim. Ma fille est à la maternelle, elle joue avec des amis. À chat perché, à la marelle, l'un d'eux s'appelle Aboubakri. Un jour, à la fin de la classe, ma fille est sortie en pleurant. Aboubakri, sous la menace, est parti avec deux agents. Branle-bas des parents d'élèves, ce fut la mobilisation. Tout le personnel a fait grève pour s'opposer à l'expulsion. C'est comme ça que j'ai découvert, dans le quartier, près de chez moi, tout un tas de gens solidaires qui n'abandonnent pas le combat. Plus tard, en sortant du métro, je rencontre dans mon quartier des sans-papiers qui risquent gros en faisant grève sur leur chantier. Si leur parcours est clandestin, celui de leur patron l'est moins. On veut bien leur cotisation, pas leur régularisation. Les camarades du syndicat, ceux du comité de soutien, les accompagnent pour leurs droits. C'est un pour tous et tous pour un. C'est comme ça que j'ai découvert, dans le quartier, près de chez moi, tout un tas de gens solidaires qui n'abandonnent pas le combat. Une femme vient la journée pour la cuisine et le ménage, chez ma voisine du rez-de-chaussée qui est affaiblie avec l'âge. Cette assistante est l'employée d'une entreprise de sous-traitance. Elle risque d'être expulsée, ça fait 10 ans qu'elle est en France. Alors ensemble on est parti crier nos revendications devant l'Opéra de Paris pour que cesse cette oppression. C'est comme ça que j'ai découvert dans le quartier près de chez moi tout un tas de gens solidaires qui n'abandonnent pas le combat. Grâce au réseau des militants, nous avons été informés que des parents et des enfants se feront bientôt expulser. Arrivés à l'aéroport, au beau milieu des vacanciers, la police a vraiment fait fort. Aurait-elle peur des sans-papiers ? Ils sont emmenés sous escorte, menottés pieds et poings liés. Une piqûre a fait en sorte qu'ils embarquent sans résister. C'est comme ça que j'ai découvert la violence des expulsions organisées par le ministère de la peur de l'immigration. Et les lectures qui commencent ? Oui, Antoine, je commence et je finis d'ailleurs parce que je suis le seul à voir une lecture aujourd'hui. En finir avec la compétitivité. Un collectif d'attaque de la Fondation Copernic a écrit 27 pages à télécharger sur le site de chacune des deux associations, Attaque et la Fondation Copernic. Thomas Coutreau, Jean-Marie Arribet, Norbert Latt, Michel Husson, Pierre Calfa, Jacques Rigauda, Stéphanie Treillet se sont mis à 8, je crois, pour écrire 27 pages très utiles. Quel beau titre, vous ne trouvez pas ? En finir avec la compétitivité. Ça vous le fait ? Je vous parie que ça vous le fait autant qu'à moi. Il était temps, on étouffe depuis quelques lurettes avec ce mot, obsessionnellement répété comme une panacée inévitable, incontournable à la crise. Comment faire à ne comprendre à nos politiques que la mise en compétition de l'économie a quelque chose de malsain et que le rattrapage des pays en difficulté sur le modèle allemand, bien sûr que c'est une chimère. C'est un non-sens économique. Bon, maintenant c'est pas tout ça. De quoi parlent ces 27 pages ? C'est d'abord régler leur compte avec les arguments de la compétitivité, modèle gallois héros. Ça commence mal pour eux. Les éléments statistiques Eurostat sur lesquels reposent leurs analyses sont imprécises, pas tout à fait fiables. Pour cette raison, notre brochette d'économistes vont aller chercher les chiffres du Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail américain. Ben oui. Qu'apprend-on sur le coût horaire du travail dans l'industrie manufacturière ? Eh bien, il était dans la zone euro de 40,4 $ et 40,6 en France et 43,8 en Allemagne en 2010. De plus, en combinant la productivité du travail supérieure en France, y compris pour l'Allemagne, hein, c'est supérieur en Allemagne en termes de productivité horaire. En combinant donc la productivité horaire et le coût horaire, les écarts de coût qu'on appelle coût salarial unitaire, la différence avec l'Allemagne s'amenuise et on apprend que ce coût est en diminution en France de 0,5% en moyenne depuis 1996 et de 0,7% en moyenne en Allemagne dans la même période, alors que ceux de la Grèce, du Portugal, de l'Italie et du Royaume-Uni ont augmenté. Normal, ils avaient du rattrapage à faire. Donc, premier point, excite l'histoire 100 fois rabâchée de dérive des coûts salariaux de la France par rapport à l'Allemagne. Au moins pourrait-on regarder de plus près chez nos décideurs avant de prendre des décisions et d'asséner des vérités qui s'avèrent plus ou moins fausses. Et puis, il y a autre chose. Il y a la compétitivité hors prix. C'est quoi la compétitivité hors prix ? Eh bien, c'est tout ce qui n'entre pas dans le coût de fabrication d'un produit ou d'un service. La qualité intrinsèque du produit, leur degré d'innovation technique. Le niveau de recherche-développement en France est de 2,1% du PIB contre 2,8% en Allemagne. Là, il y a du boulot à faire. Il y a aussi la structure industrielle des pays en compétition. En France, nous avons quelques fleurons internationaux qui travaillent plutôt hors frontières. Question de fiscalité, on s'en doute. Et peu ou pas assez avec les PME. Les grandes boîtes allemandes, au contraire, importent de leurs sous-traitants étrangers et vendent, c'est-à-dire réexportent, des produits qui sont devenus allemands et font apparemment mieux travailler la sous-traitance allemande. A contrario, la très vendue Logan en France est une importation pour la France. On pourrait aussi parler du système bancaire, plus atomisé qu'en France, mais ce n'est pas dit dans le texte. C'est moi qui l'ajoute. Il faut pour en finir avec la compétitivité hors prix, dire que la zone euro a été pénalisée par le dollar fort dès l'instant où la production est de moyenne gamme. Clio, Mégane, etc. Les acheteurs de Mercedes et de BMW s'en foutent, ils y gagnent quand même outre-Atlantique. Enfin, peut-être ajouter un mot sur le coût du capital. Les revenus nets distribués représentent en 2011 9% pour les sociétés non financières contre 5,6% en 1999. Le profit des entreprises calculé par l'excédent brut d'exploitation oscille entre 32% et 30% de la valeur ajoutée brute en 1985. Il est passé à 28% en 2009. Que le patronat se rassure, 20 milliards sont arrivés pour restaurer les marges des entreprises et le cas échéant seulement, on investira. La Cour des comptes s'inquiète de l'efficacité trop incertaine, dit-elle, des allègements des charges sociales sur les bas salaires. T'as raison. Bref, un document à lire, pas toujours facile, hein, beaucoup de concepts, de graphiques et de vocabulaire de comptabilité. Qu'on se rassure, une synthèse très bien faite est au début du document. On la retrouve texto dans le Politis de la semaine dernière. On peut s'appuyer aussi sur le numéro de novembre d'Alternatives économiques qui eux aussi font plus confiance au LBS américain. Merci Christian pour ce conseil de lecture et je termine l'émission avec les rendez-vous militants. Jusqu'à la prochaine émission d'Angle d'Attaque, le samedi 15 décembre, ce sont trois thèmes importants qui seront abordés à travers les conférences de Cité Philo, le mois de l'économie sociale et solidaire et le 10e anniversaire de la fermeture du centre d'hébergement de migrants à Sangatte. Cité Philo s'intéresse à la crise de l'engagement militant dès ce soir à 19h30 avec Michel Benassayag au grand auditorium du Palais des Beaux-Arts à Lille. À ce propos, l'évolution du monde associatif et la prise de conscience progressive par les ONG de l'importance de la défense des droits humains seront traitées le jeudi 13 décembre à 18h30 à l'espace culture de l'Université de Lille 1 à Villeneuve-d'Ascq. Patrick Vivret philosophera autour de la cause humaine du bon usage de la fin d'un monde et de la reconstruction d'un sens au-delà de la crise de civilisation mondiale. Ce sera le mercredi 21 novembre de 15h30 à 17h à la FNAC, 20 rue Saint-Nicolas à Lille. Ce même lieu, Philippe Corcuff se demandera où est passée la critique sociale et ses promesses d'émancipation 6 mois après le retour de la gauche au pouvoir. Ce sera le samedi 24 novembre de 11h à 13h. Au sujet du nucléaire, les systèmes énergétiques poseront l'ampleur de la crise économique, sociale et écologique dans la société. Ce sera le mardi 20 novembre à 18h30 à l'espace culture de l'Université de Lille 1 à Villeneuve-d'Ascq. Dans ce même espace, la recherche et le pouvoir nucléaire reviendront sur l'histoire d'une institution, le Commissariat à l'énergie atomique, le mardi 11 décembre à 18h30. Pour plus d'informations, surfez sur Cité philo, d'un seul tenant sans accent, .org. L'économie sociale et solidaire, c'est aujourd'hui avec la journée de collecte et de réemploi d'objets en fin de vie. Le village de l'emploi vous accueille jusqu'à 18h à la salle du gymnase à Lille. C'est également ce soir à 20h30 avec l'économie du Burkina Faso, basée sur le principe coopératif, ce après la projection d'un documentaire AfricaScope à l'Hybride, 18 rue Gosselet à Lille. Dans ce même lieu de réhydratation culturelle, la Semaine de la Solidarité Internationale évoquera à travers des documentaires d'abord l'investissement des jeunes dans le cadre de projets dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Afrique, le jeudi 22 novembre à 20h30, puis le pillage des ressources naturelles renvoyant à l'exploitation des savoirs indigènes et de la brevetabilité des traditions médicinales, tant en Inde qu'au Zimbabwe. Ce sera le samedi 24 novembre à 20h30. Notons qu'une journée entière sera consacré à l'éducation, au développement et à la solidarité internationale le mercredi 28 novembre à l'hôtel du département du Pas-de-Calais, rue Ferdinand Buisson à Arras. Plus d'informations via liane au pluriel coopération sans action d'un seul tenant .org. Sangatte 10 ans, faut que ça change. Ce collectif programme du 4 novembre au 10 décembre dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, concerts, projections, conférences, expositions et autres animations relatifs au 10e anniversaire de la fermeture en 2002 du centre de Sangatte et à la vie quotidienne des migrants en manque d'hébergement. Ainsi seront projetés dans le cadre du festival Migrants Scène des films suivis de discussions. Terra Ferma. Le mercredi 21 novembre à 20h au cinéma Le Métropole à Lille, entrée 3€. Et La Pirogue, le jeudi 22 novembre à 19h30 au cinéma Les Écrans à Tourcoing, entrée 5€. Une exposition intitulée Exil Exit de photographie se déroulera du 22 au 29 novembre, place de Buisse à Lille. Pour plus d'informations, surfez sur Sangatte 10 ans en chiffres. .wordpress, GPL, WORDPRE2S.com. Notons également d'autres rendez-vous militants importants. Le documentaire « Et voilà le travail » reviendra sur la souffrance au travail, les réponses syndicales sur les conditions de labeur et la santé à l'entreprise. Le mercredi 21 novembre à 18h au cinéma L'Univers, rue Danton à Lille. Dans cette même salle de projection, le lendemain, à 20h15, un autre documentaire intitulé « Notre-Dame des Landes au cœur de la lutte » évoquera la révolte des paysans contre le projet d'un aéroport transatlantique au nord de Nantes. Et toujours à l'univers, le mardi 11 décembre à 20h, « ROMS, l'Europe en marge » est un documentaire qui s'intéresse au travail d'associations, d'élus locaux et d'institutions luttant en faveur d'une meilleure insertion des ROMS. Puis, un dernier atelier relatif au mode de gestion des services de l'eau sera proposé par Lille Métropole Communauté Urbaine, siège rue du Ballon à Lille, le vendredi 23 novembre de 8h30 à 12h30. Aussi, il faut réserver votre participation, si vous vouliez y aller, auprès de collectif.o@laposte.net. Et allez-y nombreux, hein. Il faut vraiment que la population lilloise soit représentée. Ce même jour et le lendemain, samedi 24 novembre, l'innovation sociale et numérique exercera un focus sur l'art numérique de 9h à 18h à l'Imaginarium 99A, boulevard Deca à Tourcoing, dans le cadre de la 9e édition des Roomix, ou rencontres ouvertes du multimédia et de l'Internet citoyen et solidaire. Entrée gratuite, mais inscription obligatoire pour la journée professionnelle du 23 novembre. Plus d'informations via roumix.com ou au 03.